Z. Pour l'écouter. 89.1. Tout le monde, bienvenue sur les ondes de Cifou 89.1 FM. On est ensemble pour la prochaine heure dans l'émission En piste avec Tania Baudin. Et pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, eh bien oui, c'est moi, Tania Baudin. On est ensemble pour la prochaine heure dans l'émission qui parle généralement entièrement de courses automobiles et de voitures, mais aussi qui fait jouer de la musique country. Alors si vous êtes du style à aimer la musique country, c'est cet après-midi que ça se passe entre 14 et 15 heures. On va être ensemble pour la prochaine heure et ce que j'aime faire aussi... un petit peu en début d'émission, c'est vous dire qu'est-ce qui va se passer exactement dans cette prochaine heure-là où on va être ensemble. Vous venez d'entendre, entre autres, les grandes voix francophones. Eh bien, après l'émission, ça va être le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Mais pour la prochaine heure, qu'est-ce qui se passe exactement? Pour ceux qui viennent de joindre à nous, qui connaissent pas nécessairement l'émission, je sais, je le répète à chaque semaine, mais ça fait déjà 2 ans qu'on est là. Mais cette année, on a décidé de faire quelque chose de différent, de tout simplement continuer après la saison de course canadienne qu'on connaît bien dans le monde de la course automobile, c'est-à-dire entre mai et bien souvent septembre. Et là, on est fin septembre, là, on est quasiment octobre. Et pour certains, la question se pose, pourquoi est-ce qu'En piste avec Tania Baudin est toujours en onde? Eh bien, pour ceux qui se posent la question, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de couvrir peut-être d'autres disciplines qui sont pas nécessairement entièrement canadiennes ou entièrement québécoises. Alors, on va juste continuer quasiment à l'année longue en piste avec Tania Baudin. Et ce que j'aime, entre autres, discuter, c'est bien évidemment les voitures, bien évidemment d'autres disciplines de course automobile, entre autres le rallye, DTM, Formule 1, tout ça. Mais on le sait aussi que la Formule 1 va terminer dans quelques semaines. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler un petit peu plus tard dans la saison? Bien, ça va être de Formule E, parce que la Formule électrique va commencer dans quelques semaines aussi. Alors, on va faire cette espèce de relais-là. On va rester ensemble pendant quand même assez longtemps. Ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas de sitôt. Et aujourd'hui, dans l'émission, eh bien, c'est un petit peu ce qui va se passer. Pour ceux qui le savent, le plan d'émission, on va faire le retour sur ce qui s'est passé durant le dernier week-end. Alors, on va parler, bien évidemment, de la classique d'automne qui avait lieu à Mont-Tremblant, sur le circuit de Mont-Tremblant. On va discuter Formule 1 aussi. Peut-être même un petit peu rallye pour le retour de la fin de semaine. Et un petit peu plus tard dans l'émission, on va discuter avec Kevin King, qui est un pilote dans la catégorie, dans la discipline, en fait, Nissan Micra, dans la série Nissan Micra, qui ont terminé leur saison un petit peu plus tôt en fin de semaine. Alors, on y reviendra. On va avoir la chance de parler avec lui. Un habitué, on peut maintenant l'appeler comme ça, un habitué d'En piste avec Tania Baudin. On va aussi parler SAAQ. Oui, la Société automobile du Québec. On va aussi parler Mercedes, mais canadienne. Voiture électrique, bien évidemment, j'ai parlé de la Formule E qu'on allait quand même couvrir pendant un bon moment durant l'hiver. Eh bien, on va discuter de ces voitures électriques-là. On va aussi discuter un petit peu plus tard dans l'émission d'émissions de télévision. Vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, c'est En piste avec Tania Baudin et ça commence immédiatement. Tout à l'heure, eh bien, en début d'émission, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est le retour de ce qui s'est passé durant la dernière semaine. Mais avant tout ça, pour les amateurs de country de ce monde, vous le savez, je pense qu'on est tous un petit peu semblables dans ce genre de musique-là où qu'on aime vraiment beaucoup ça. On va faire jouer une pièce que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, parce que pour ceux qui écoutent l'émission depuis quand même le début de la saison cette année, eh bien, ce sont souvent des nouvelles pièces que je vous fais jouer pour simplement vous faire découvrir soit de nouveaux artistes ou de nouveaux genres country. Alors, cette semaine, eh bien, on va aller débuter l'émission avec Saturn Boy de Jordan Rager avec Jason Aldean. Alors, pour les amateurs de country, à tout à l'heure! Et là, ça commence là, là. Non? Oui, non, même pas. OK. On va s'arranger autrement. J'ai comme l'impression qu'on va essayer de faire peut-être quelque chose de différent. Pourtant, ça fonctionnait tout à l'heure. Donc, on va essayer de refaire ça. Êtes-vous prêts? OK, on part ça. Ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Bon, ben, vous savez quoi? À la place, on va tout simplement aller faire une pause musicale. Pas une pause musicale, mais une pause publicitaire. Parce que malheureusement, ce qui semble ne pas fonctionner, c'est mon matériel pour travailler. Alors, on va aller prendre une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes assez fait. 80 à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matins à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du conte Dracula? Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Audiomatique avec les électronistes. Tous les mercredis à 17h. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou. C'est fou.ca. Truck seasons change, dashboard stays covered in red clay dust. Southern boy, you've never been scared to fight. Your family name, there's a lot of things you just don't compromise. Keep singing them songs, keep carrying on. Southern Bell, keep loving those Friday nights. Keep rolling with your buddies, raising a little hell, but just don't cross the line. We all know there ain't nothing like a feeling the way you grew up. Sunday kneeling like glass bags popping, you keep making that noise, Southern boy. Watching over you, looking down on your little town and the hearts that hold your roots. Southern boy, when the road starts getting rough, the wheels you're on will get you home, no matter how deep the mud. So keep singing them songs, I keep carrying on. Southern Bell, keep loving those Friday nights. Keep rolling with your buddies, raise a little hell, but just don't cross the line. We all know there ain't nothing like the feeling the way you grew up. Southern Boy, Jordan Rager avec Jason Aldean. Je vous l'avais dit, c'est la pièce qu'on allait écouter avant la pause publicitaire. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé en début d'émission, sachez-le, moi non plus. moi non plus et mes collègues non plus. Donc, il y a tout simplement eu un glitch dans le système informatique. Ma console ne fonctionnait plus, malheureusement, mais tout est arrangé. Merci à mon cher acolyte Mathieu Plante qui est venu m'aider en 55 secondes. Exactement, c'est vraiment très, très apprécié. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait faire un retour sur ce qui s'est passé durant le monde de la course automobile en fin de semaine, parce que c'est quelque chose que l'on fait à chaque année, émission. Mais sachez-le, ça l'a couru en Formule 1, ça l'a couru ici au Canada, ça l'a couru un petit peu partout. Mais bien évidemment, j'ai simplement une heure d'émission, alors on ne peut pas faire la revue de tout ce qui s'est passé. Mais la semaine dernière, on avait discuté que Fernando Alonso disait que la Formule 1 n'était plus nécessairement ce qu'elle était. Cette fin de semaine, du côté du Grand Prix de Formule 1, eh bien, c'est Felipe Massa qui a osé dire quelque chose par rapport à la Formule 1. Il dit qu'il soit question de domination d'une équipe ou bien d'enthousiasme pour, bien évidemment, la discipline reine. Le pilote brésilien, lui, estime que les standards n'ont pas nécessairement évolué tout au long de sa carrière en Formule 1. Donc, à l'issue de la saison, Felipe Massa, lui, va mettre un terme à sa carrière en Formule 1 qui a débuté quand même en 2002 avec Sauber, mais il est quand même aussi resté longtemps sous le règne de Ferrari, où il a lutté, entre autres, pour le titre mondial en 2008. Mais le Brésilien, lui, aura conclu son aventure dans la catégorie de Formule 1 avec 3 saisons chez Williams. Et depuis le début de l'ère des moteurs turbo-hybrides en 2014, ceux qui font tellement parler, selon tous les pilotes de Formule 1, eh bien, il y a eu beaucoup de critiques, entre autres, qui se concentrent sur l'archi-domination de Mercedes. Mais Massa, lui, dit également avoir connu celle de Ferrari, Renault, Red Bull, et qui rappelle que ce scénario-là a toujours plu, ou moins, exciter le monde autour. Donc, ce qu'il veut dire exactement, bien, c'est toujours pareil depuis qu'il a commencé. Il y a toujours eu une équipe qui domine le championnat. Ça change absolument rien. Il y a certaines années, il y avait plus d'une équipe qui se battait pour le championnat, mais c'est pas nécessairement arrivé très, très souvent. Donc, il croit qu'on compare la Formule 1 maintenant par rapport à la première année où il a commencé, ce qu'il pense pas que ce soit très différent, pour être honnête. La manière dont la course se déroule, la manière dont les pilotes sont dans la voiture et ce qu'ils font, il croit que c'est totalement similaire. Il y a toujours des progrès à faire, bien évidemment, donc il ne va pas nécessairement quitter les enclos de la Formule 1 après y avoir passé près d'une quinzaine d'années. Il a quand même l'ambition de courir dans une autre discipline, donc Massa va quand même rester un fervent admirateur de la discipline qui aurait été la sienne au sommet du sport automobile pendant plusieurs années. Et on le sait aussi, hein, on en a discuté il y a quelques semaines, la Formule 1 s'est fait racheter par Liberty Media. Donc, il espère qu'il va y avoir des progrès aussi à ce niveau-là qui vont être faits et qui vont pouvoir aussi améliorer le sport à ses yeux. Et il reste quand même très enthousiaste face à ça. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe du côté de la Formule 1. En fait, il y a plusieurs choses qui se passent du côté de la Formule 1 parce qu'il y a Zak Brown aussi qui se rapproche d'un rôle en Formule 1. On le sait, il y a eu plusieurs discussions sur les changements qui doivent être faits du côté de la Formule 1. Et il y a une nouvelle qui est sortie, entre autres, en fin de semaine, c'est le spécialiste du sponsoring et de la communication, Zak Brown, qui a quitté ses fonctions de PDG et de CSM Sport et Entertainment à la fin de l'année. Donc, il veut accentuer peut-être la rumeur selon laquelle il pourrait rejoindre la Formule 1 suite au rachat de Liberty Media. Donc, le fondateur de JMI, la grande agence de marketing au monde dans le domaine du sport automobile, Zak Brown, va rester impliqué au sein de CSM en tant que président et également comme président non exécutif, mais il va être remplacé dans son rôle actuel par quelqu'un d'autre, donc le PDG de Shim Communications. Mais depuis l'annonce du rachat de la Formule 1 par Liberty Media, comme j'en parlais tout à l'heure, quand même pour une somme de 8,5 milliards de dollars, oui, disons-le, rappelons-le en fait, c'est pas juste ce qu'il y a dans le fond de notre portefeuille. Eh bien, le nom de Zak Brown a quand même beaucoup circulé dans les enclos sur les différents circuits qu'il y a pour qu'il occupe un rôle commercial dans la future organisation. Donc, de ce côté-là, ça mettrait en place... ça serait bien évidemment mis en place par le groupe américain qui a pris possession de la Formule 1. Et sa décision de quitter la tête de CSM à la fin de l'année pourrait peut-être justement être en cause de se libérer un petit peu de temps pour un poste en Formule 1. Alors, on va essayer de suivre ça de près parce que ça pourrait être encore une fois quelque chose de très, très important, mais surtout de très, très bon pour la Formule 1. On le sait, on en parle souvent de se refaire une espèce de petite image du côté de la Formule 1. Alors, c'est quelque chose qui pourrait sûrement aider de ce côté-là. Tout à l'heure, je le disais, il y a eu des courses du côté de la classique d'automne de Mont-Tremblant. C'était rempli de ce côté-là. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents, entre autres Kevin King, Olivier Bédard, Xavier Coupal. C'est entre autres Xavier Coupal en Nissan Micra qui a gagné le championnat. On le sait, c'était extrêmement serré. On avait discuté avec Olivier Bédard un petit peu plus tôt, je pense, si je me souviens bien, c'est il y a 2 semaines, sur justement le championnat qui était si rapproché dans le pointage. On savait, on arrivait à Mont-Tremblant, c'était une épreuve qui était quand même très, très importante. Alors, de ce côté-là, c'est Xavier Coupal qui, lui, a mis la main sur son premier championnat. Rappelons-le, Olivier Bédard avait gagné le premier championnat de la série l'année dernière. Il n'a malheureusement pas été capable de refaire ses exploits. J'ai vraiment pas le goût de dire ses exploits parce qu'Olivier Bédard, c'était pas nécessairement un exploit ou une surprise. C'est un pilote qui est excellent, que ce soit en karting, que ce soit en Formule 1600, que ce soit en Nissan Micra. C'est pas nécessairement des exploits parce que c'est une nouvelle série. Mais Olivier Bédard n'est malheureusement pas arrivé à refaire ses prouesses-là, disons ça comme ça, cette année, à revoir les résultats qu'il espérait tout simplement cette année. Alors de dire que c'était quelque chose de très, très, très surprenant l'année dernière. Non, pas vraiment, parce que Olivier Bédard, c'est quand même un pilote qui est très, très bon. Mais cette année, Xavier Coupal a décidé de faire la saison complète. Et c'est lui qui a eu quand même un bon nombre de victoires et qui s'est assuré le championnat de ce côté-là. Par contre, tout à l'heure, il y a quelqu'un d'autre qui va nous parler de sa saison à lui. Et c'est Kevin King, parce qu'en début d'année, Kevin n'était pas nécessairement sur le plan de match pour la série Nissan Micra. On se demandait justement si on allait pouvoir faire la saison complète 2016-2017, la saison 2016 cet été. On n'était pas certain si on allait pouvoir justement participer cette année à cette fameuse épreuve-là. Eh bien, Kevin King a quand même réussi cette année avec de nouveaux commanditaires et des gens qui ont beaucoup cru en lui à participer à cette saison-là. Alors tout à l'heure, après l'extrait musical, on va justement jaser avec Kevin King parce que, ben oui, on n'a pas le choix de se le dire. Ça me prend quand même quelques temps pour communiquer avec quelqu'un. Alors, on va aller écouter Tucker Bethard avec Rock On. Et après ça, ben oui, on va jaser avec Kevin King. À tantôt. Like you said you would. Rock on, Tucker Beat Heart. Et tout à l'heure, bien oui, je discutais de ce qui s'était passé un petit peu en course automobile cette fin de semaine. Un petit peu partout, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, entre autres, on a discuté de Formule 1. On a aussi discuté de ce qui s'était passé du côté de Mont-Tremblant. Et je vous le disais, ça me prenait une chanson pour pouvoir aller faire un appel, c'est-à-dire rejoindre le pilote Kevin King qui est au téléphone avec moi. Kevin, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Kevin, en premier lieu, bien, j'aimerais que tu me racontes comment a été ta fin de semaine. En fait, ma fin de semaine, si on la regarde de haut, elle a pas bien été. On a terminé la saison avec deux podiums, donc c'est sûr que l'équipe était super contente. Ça a été rough un petit peu pour commencer le week-end. On a qualifié sixième, mais on a fait les réglages qu'on devait faire et puis on a fini avec deux podiums pour le week-end. Donc, de ce côté-là, la compétition en fin de semaine était quand même très, très serrée. Là, si on regardait le classement au championnat, comment ça se passait dans ta tête lorsque tu es arrivé là-bas? C'est sûr qu'au début du week-end, on était quatre pilotes qui pouvaient remporter le championnat. Mm-hmm. Donc, on ne pouvait pas jouer trop agressif. Mais d'un autre côté, dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il fallait jouer assez agressif pour être capable de finir en avant des trois autres concurrents que je devais battre pour gagner le championnat. Il y a deux adversaires qui avaient une petite avance sur nous autres et puis il aurait fallu une malchance pour eux autres pour plus gagner le championnat. Et puis c'est pas ça qui est arrivé, donc on a terminé troisième au championnat. Maintenant que la saison est terminée, quel genre de rétrospective est-ce que tu peux faire sur ta saison 2016? C'est sûr que nous autres, en tout début de saison, mm-hmm. on pensait pas faire tout le championnat dû au budget. Puis à la dernière minute, j'ai trouvé un spot de gros commanditaire qui serait le très finissant. Peu importe le résultat que j'allais avoir pour le championnat, c'est sûr que j'allais être content parce que ça m'a permis de faire tout le championnat. Donc une troisième place, écoute, on est super, super content avec ça, là. On pouvait pas demander mieux, en fait. Et de ce côté-là, dis-moi, comment est-ce que... Parce que, comme tu viens de le dire, en début de championnat, t'avais pas nécessairement tout le budget pour pouvoir faire la saison complète. Comment est-ce que c'est arrivé, cette fameuse grosse sponsorship-là? En fait, c'est le promoteur de la série, la Coupe du Saint-Micra, Jacques D.R., qui m'a mis en contact avec le président de chez Sorel Tracinissant. Il était bien intéressé par mon curriculum. Fait que on a fait un rendez-vous et puis tout était bien beau. Il m'a bien apprécié, donc on est allé de l'avant avec ça. Et Kevin, j'aimerais quand même avoir ton opinion parce qu'on a discuté quand même Nissan Micra avec plusieurs invités dans le show cette saison. Et c'est revenu à quelques reprises où on a parlé que la conduite et la technique de conduite d'une Nissan Micra ressemblait quand même beaucoup aux quatre temps en karting. C'est quoi, toi, ton opinion par rapport à ça? Oui, la mentalité de la compétition, la mentalité d'une course, c'est très similaire au karting dans la classe 4 temps. Mm-hmm. La conduite, c'est relativement proche aussi. C'est une conduite qu'on doit être très patient, très smooth en bon français. Ouais. C'est sûr, c'est très proche. Et puis, comme je dis, on doit être très patient, puis très technique. C'est parce que on n'a pas beaucoup de puissance au moteur. Donc, c'est vraiment le momentum qui fait en sorte que tu vas être rapide. Est-ce que ça pourrait devenir une espèce d'alternative, justement, à la Formule 1600, qui est plus monoplace, bien évidemment, aux jeunes pilotes de karting qui voudraient sortir de la discipline de karting pour faire de la course automobile? Est-ce que, selon toi, la Nissan Micra, ça pourrait devenir ça? Oui, moi je serais convaincu que ça pourrait le devenir. C'est un très très bon championnat, c'est très très bien organisé. C'est sûr que c'est deux branches relativement différentes. Pour les pilotes qui veulent aller se diriger plus en monoplace, sont peut-être mieux d'aller en Formule 1600. Et puis les pilotes qui veulent aller en Touring Car, mais évidemment la Nissan Micra. Pour côté championnat et organisation et visibilité et puis tout ce qui englobe le championnat, c'est-à-dire Je crois que le Nissan Micra a une petite avance. Le niveau compétition aussi, j'aimerais ça que ça soit un aspect qu'on discute avec toi. Il y a beaucoup de pilotes qui ont participé à des épreuves de Nissan Micra cette année et des pilotes quand même qui ont une bonne renommée dans le monde de la course automobile. De ce côté-là, la compétition, comment est-ce que tu l'as vu durant ta saison 2016? Ah, c'est sûr que, comme tu dis, la compétition était très élevée cette année, beaucoup plus que l'an dernier. Évidemment, l'an dernier, c'était la première saison, donc il y avait plusieurs pilotes qui étaient distants, une nouveauté. Puis cette année, écoute, on a vu beaucoup de bons noms renommés dans la série. Donc, c'est sûr que ça a fait un petit trop au début de la saison, mais... Quand j'ai remporté la première course de l'année, je me suis senti tout de suite plus confiant pour la saison complète. Donc, au fil des courses qui venaient, je me sentais de plus en plus confiant parce que, écoute, les résultats étaient tout le temps là. Mm-hmm. Donc, ça m'a pas fait peur, si on veut. Et du côté, justement, de la fin de saison, t'as eu une très belle saison en 2016. Sur quoi est-ce qu'on peut s'enligner pour 2017? Est-ce qu'on va pouvoir te revoir en Nissan Micra? Oui, probablement que je vais retourner en Nissan Micra aussi avec les mêmes commanditaires. Il est fort probable. Et puis, on devrait me voir dans une autre série aussi. Là, on travaille très fort pour une autre série au Grand Prix Trois-Rivières aussi. Ah ouais, est-ce que ça serait, par exemple, une série dans laquelle on t'a déjà vu qui implique une monoplace? Non. Non? OK, donc quelque chose de totalement nouveau, un gros défi. Oui, oui, effectivement. Bien, on te souhaite la meilleure des chances, Kevin. Gros merci. Et de ce côté-là, comment est-ce que ça va se passer pour toi, ton hiver? T'sais, on le sait, ici au Québec puis au Canada, on tombe un petit peu en saison morte pendant ce temps-là quand il n'y a pas de course. Est-ce que tu vas continuer à t'entraîner? Est-ce que tu vas continuer? Comment est-ce que ça va fonctionner pour toi? Évidemment, mon programme d'entraînement recommence durant l'hiver pour mon conditionnement physique. Et puis, je fais beaucoup de testing aussi à l'extérieur dans le sud avec l'équipe de course en karting, c'est-à-dire PSL Karting. Mm-hmm. On s'en va pendant 2 semaines à Las Vegas aussi, donc je reste très, très occupé. Et puis, lorsque je suis pas aux courses, bien, évidemment, on cherche tout le temps à avoir de plus en plus de commanditaires aussi pour boucler la saison 2017. Donc, on va rester tout aussi occupé, même en saison morte. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser un petit peu avec nous de ta saison 2016 puis de ce qui va être ta saison 2017 aussi. Merci beaucoup, Kevin. Bien, merci à toi, Daniel. Donc, comme je le disais, Kevin King, qui est un pilote qui on doit surveiller à chaque fois qu'il est sur une piste, il est remarquable, on doit le dire. C'est un pilote avec beaucoup de talent et on le sait bien souvent ici au Canada ou au Québec, c'est un petit peu difficile selon les saisons parce que malheureusement, comme on vient d'en discuter avec Kevin, c'est le temps froid hein? Ici, c'est pas nécessairement le temps de pouvoir faire des essais et tout ça. Alors, il y a plusieurs pilotes qui font ça, qui décident de, disons-le comme ça, s'exiler vers le sud pour pouvoir justement faire des tests, s'entraîner. Il y en a beaucoup qui retournent au monde du karting pour avoir cette fameuse technique de conduite-là et pour certains, c'est tout simplement aussi physique parce que le karting, c'est une discipline qui est quand même très, très physique. Alors, du côté de Las Vegas, quand que nous, ici, ça tombe en temps mort, là-bas, bien souvent, ça se met à on et ça arrête pas. Alors, de ce côté-là, c'est sûr qu'on va suivre les pilotes canadiens et les pilotes québécois qui vont continuer quand même cet hiver à faire des circuits, à faire différentes disciplines dans le monde de la course automobile pour justement voir comment est-ce que ça se passe de leur côté. Et bien évidemment, on va essayer de jaser avec certains d'entre eux parce que c'est quand même très important, hein? Faut le dire. C'est comme ça qu'on réussit à avoir de la visibilité dans le monde de la course automobile. Et la visibilité, bien souvent, c'est ce qui va faire changer quelques sous peut-être sur un chèque d'un commanditaire. Alors dans ce cas-là, bien, c'est ce qu'on piste avec Tania Baudin aime faire. Voilà. On fait une courte pause et au retour, bien, on va parler de rallycross. On va aussi parler de formule électrique. Alors à tout à l'heure. C'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. Trois-Rivières, c'est le 89.1. antenne de l'émission En Piste avec Tania Baudin sur les ondes de CIFU 89.1 FM. On a jasé avec Kevin King de la saison de Nissan Micra. Comment est-ce que ça s'est passé de son côté? Comment est-ce que la saison 2017 regarde pour lui? Et là, on est rendu au segment que j'aime quand même découvrir. Je dois vous l'avouer parce que j'étais pas une très, très grande connaisseuse des voitures électriques, de tout ce qui se passait du côté de l'électrique. Parce que lorsqu'on aime les pneus qui brûlent, les fumes d'essence, disons ça comme ça, eh bien, c'est rarement quelque chose à laquelle on va penser, on va se l'avouer. Mais ça commence à faire de plus en plus de vagues dans le monde de soit de la course automobile ou encore le monde révolutionnaire des transports. Alors, j'ai tout simplement décidé de faire pour cette session-ci, parce que, disons-le, c'est un petit peu plus la session d'automne, session d'hiver. Alors, j'ai le goût quand même de discuter de véhicules électriques assez souvent dans l'émission et j'espère que vous allez apprécier ce segment-là. Je vous rappelle aussi que si jamais vous avez des idées de chroniques ou si même vous, ça vous intéresse de participer à l'émission, eh bien, il y a la page Facebook En Piste avec Tania Baudin. Allez faire un tour là-dessus. Écrivez-moi, dites-moi vos idées. Ça va me faire plaisir de vous écouter et bien souvent, peut-être même vous inviter à discuter dans l'émission. Un petit peu plus tard, je vous parlais tantôt aussi qu'on allait jaser de Rallycross. On a quelqu'un qui va venir nous parler au téléphone de Rallycross. Il a eu la chance d'aller aux deux dernières manches, alors je pense que c'est une des meilleures personnes placées pour nous discuter de ça. Ça va être avec Dominique Fugère un petit peu plus tard. Mais comme je le disais, pour le moment, on va jaser de véhicules électriques. Il y a un complexe de véhicules électriques quand même assez unique qui sort au Québec. Donc, c'est un article de la presse qui est sorti récemment. On parle d'un raz-de-marée là, quand même dans le monde de l'automobile, dans le monde du transport. Et c'est en ces mots vraiment que le président du groupe Déragon, Pierre Déragon, qui décrit la croissance des ventes des véhicules électriques qu'enregistre le Québec jusqu'à présent et jusque dans quelques années, bien évidemment, donc dans les prochaines années. Et l'homme d'affaires se positionne quand même dans un créneau effervescent. Là, en offrant sous un même toit une vaste gamme de voitures. Attention, là, c'est pas juste des voitures. Des voitures, des motos et des vélos à assistance électrique. Donc, on le sait, il y a plusieurs gens qui prennent ce virage vert-là et on en discutait tout à l'heure en début d'émission, la Formule E, on peut pas passer à côté. Là, je pense qu'on est rendu là en 2016 de dire qu'il n'y a pas nécessairement juste l'essence qui va faire avancer une voiture et que ça peut quand même être très, très le fun à regarder pour les yeux. Donc, de ce côté-là, le groupe Déragon possède notamment deux concessions automobiles ainsi qu'une division de véhicules haut de gamme. Donc, on se greffe l'établissement là, qui est dédié au monde du transport électrique par rapport à tout ça et ça va avoir son ADN bien à elle parce que dans ce nouveau complexe-là, il n'y aura pas nécessairement de Ford, de Honda, de Tesla. Ici, il dit c'est Monsieur électrique. Donc, on va faire tomber tous les mythes pour démocratiser la mobilité durable, toutes marques confondues. Donc, en fait, c'est l'environnement qui est au cœur de l'initiative et on veut aussi favoriser la décongestion routière par l'adoption d'un, par exemple, un vélo ou une moto électrique par le public. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose qui est quand même très, très le fun à entendre. Si vous étiez en onde ce matin dans en assemblage requis, moi et Mathieu, pendant mon segment, on a discuté justement de Elon Musk, qui est le créateur des moteurs Tesla, des voitures Tesla aussi. Et on discutait justement de cette fameuse décongestion des transports-là parce que Elon Musk a bien évidemment créé la Tesla, mais il parle aussi du Hyperloop, qui est en fait des tubes de transportation assez rapides pour les gens. Ça deviendrait comme un train à immense vitesse. Vous pourriez vous ramasser de Los Angeles à San Francisco en 30 minutes. Donc, c'est extrêmement rapide et apparemment que ça serait beaucoup moins dangereux que bien d'autres choses, que bien d'autres moyens de transport que l'on connaît aujourd'hui. Donc, cette ère-là, cette ère d'électrique et cette ère de bien vouloir-là, ça commence à faire parler de plus en plus et c'est quand même le fun à entendre. Donc, l'homme d'affaires raconte quand même que le projet a germé dans son esprit à lui. Il y a quand même une bonne dizaine d'années de cela. Donc, quand il était plus jeune, ses trois frères et lui adoraient quand même modifier des voitures. Ils s'amusaient dans le garage et son truc à lui, ben c'était les chevaux. Donc, il y avait cette liberté de pouvoir se promener en ayant cette sensation de puissance et de performance-là, mais sans aucun bruit et sans aucune odeur. Donc, quand les voitures électriques sont arrivées sur le marché, pour lui, ça a été une grande révélation. révélation. Je pense que pour tout le monde, ça a été une grande révélation. Et c'est tout ce qu'ils recherchent, en fait, puis réunir le tout en un seul véhicule. Donc, comment est-ce qu'on peut pas adhérer à un concept comme celui-là? Je pense qu'il y en a plusieurs qui commencent à se poser la question. Ça pourrait être très intéressant de voir... À un certain moment, plusieurs disciplines de course automobile virées électriques. Moi, je sais que le son est pas nécessairement tout le temps le fun à écouter. Je suis la première à dire qu'une course de Formule E, parfois, ça peut devenir très, très agressant au niveau des tympans parce que c'est un son extrêmement aigu. Mais... si on essaie peut-être de mettre de la musique d'ambiance, je sais pas quel genre de musique vous écoutez en temps normal, mais si vous êtes du genre à écouter de la musique, je sais pas moi, jazz, blues, whatever, même country si vous aimez ça, bien peut-être vous mettre une petite musique de balade aussi peut-être si vous aimez ça en arrière-plan pour justement apprécier le spectacle visuel que vous allez quand même avoir avec ces fameuses voitures électriques là, parce que c'est très très très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi dans le monde de l'électrique présentement, c'est que Mark Webber, le pilote, a décidé d'essayer la Porsche LMP1 dans les rues de Londres. Donc, le champion du monde d'endurance a quand même parcouru 6 km dans les rues de Londres à bord de sa Porsche 919 hybride. Ça s'est passé hier au petit matin. Donc, on a passé aux abords de Trafalgar Square et de Westminster. On parle d'une voiture assez jolie pour les yeux, hein? Ouh, c'est pas quelque chose de laid à regarder si vous êtes amateur de belles voitures, de voitures exotiques, de voitures style DTM aussi ou de style 24 heures du Mans. Eh bien, je vais tout simplement vous la poster sur la page Facebook dans Piste avec Tania Baudin parce qu'il y a quelques photos que motorsport.com ont eu la chance d'avoir. Ah, c'est beau! C'est très, très beau, hein? Si on avait la chance d'avoir ça dans notre cour ou dans notre garage, je pense qu'il y en a plusieurs qui prendraient le virage électrique. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à voir. Puis, je trouve ça quand même intéressant aussi pour le côté de tout ce qui est innovation, tout ce qui est connaissance par rapport aux voitures électriques. On sait jamais où on peut se rendre. Et la semaine dernière, je discutais justement du fait que Tesla avait eu certains problèmes à distance avec de jeunes blogueurs qui avait pris le contrôle d'une Tesla. Et par la suite, on a tout simplement innové ce qu'on connaissait déjà pour en arriver à une voiture beaucoup plus sécuritaire. Donc, on l'avait dit, c'était arrivé simplement sur un modèle, sur une voiture, mais c'est quand même un glitch qui était arrivé et qui devait être en quelque sorte réparé. Et Tesla s'est penché sur le sujet. Alors, de ce côté-là, c'est quand même quelque chose qui est vraiment le fun à regarder, vraiment le fun à penser aussi, parce que, veut, veut pas, ça nous fait penser, ça nous fait faire... poser quelques questionnements à ce que nous aimerions avoir aussi comme peut-être véhicule dans le monde de la course automobile future. Qui sait? Je vous disais qu'on allait jaser de rallycross avec Dominique Fugère. Alors, bien évidemment, je dois le contacter. Et si vous me laissez quelques instants, bien, ça va vous donner la chance d'écouter une nouvelle pièce de Cale Dodds qui s'appelle Lying. Et au retour, bien, on va jaser rallycross. Supposed to be there, parked on the beach where sand felt more like an hourglass. We were both pretending summer wouldn't end if we stayed there right on the front of that Pontiac, kicking back, driver's side window crack, with the radio up, just the two of us lying on the hood of my car under the stars, falling as hard as they were. Didn't know we didn't mean it, swore we believed it, took it to. She said forever, I said I'd never let her out of these arms. But the truth is we were just lying, lying on the hood of my car. I can still remember bare feet on the fender, salt waves in her hair from the water. The engine wasn't running, but it heated up when she tossed that tank top off of that Pontiac, breathing fast, hearts beating over that radio all the way up. No, we weren't just lying on the hood of my car under the stars, falling as hard as they were. Didn't know we didn't mean it, swore we believed it, took it too far. She said forever, I said I'd never let her out much. It turns out we were just Dodds avec la chanson Lying. On pourrait quasiment l'appeler aussi Lying on the Hood of My Car, mais c'est lui qui a choisi le titre de la chanson. C'est un artiste quand même qui fait beaucoup jaser sur Spotify dernièrement. Si jamais ça vous intéresse, il y a plusieurs de ses chansons qui viennent de sortir dans les meilleurs top country de Spotify, que ce soit les nouveaux hits, que ce soit américains. Donc, allez faire un tour si jamais ça vous intéresse. C'est super bon à écouter. Tout à l'heure, jasais par texto, on va se l'avouer, avec Dominique Fugère, parce qu'il m'écoutait et il a décidé de prendre part à l'émission. Dominique, salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je textais, je tiens à dire que je ne textais pas au volant. Non. Mais j'écoutais en piste avec Tania Baudin, j'ai entendu une entrevue avec Kevin King que j'ai vu ce week-end à Tremblant. Mm-hmm. Puis quand tu étais là pour parler de rallycross, moi j'ai dit, si tu veux qu'on parle de rallycross, qu'on peut en parler ensemble, parce que j'ai eu la chance d'être aux deux dernières manches, donc à l'OEAC et à Barcelone. Puis là, le championnat du monde des filles de rallycross présenté par Monster Energy se transporte du côté de la Lettonie à Riga pour la première fois. Puis on a un nouveau meneur au championnat avec Mathias Ekström. Et Ekström, on le sait, multiple champion DTM, ça fait 15 ans qu'il est dans la discipline. Et on a appris cette semaine une nouvelle très intéressante, Tania, c'est que Ekström fera impasse sur la finale de la saison en DTM. Oh, okay. Pour pouvoir être du côté de Buchterhude en Allemagne pour l'avant-dernière épreuve de rallycross. Donc pour lui, là, vraiment, là, pour lui et pour Audi Sport, la priorité, c'est maintenant de gagner le championnat du monde de rallycross, de battre Petter Solberg, qui a remporté ce championnat-là lors des deux premières éditions du championnat. Puis pour Ekström, pour Audi Sport, là, c'est vraiment... on voit vraiment là, que la priorité de ce côté-là, surtout que Ekström ne peut plus espérer le titre en DTM. Là. Dominique, vu que je t'ai au téléphone, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, j'aimerais justement parler un petit peu de cet engouement-là quand le rallycross vient à Trois-Rivières. Maintenant que ça fait quelques mois que l'événement est terminé, on peut le dire, là, les retombées sont quand même bonnes et les gens commencent à apprécier de plus en plus l'effet rallye. Ben, l'effet rallycross, veut pas, on s'adresse à une clientèle qui est plus jeune. On avait fait des études de marché avant d'inviter le rallycross chez nous. Puis quand on sait que le fan moyen de NASCAR, donc la moyenne d'âge chez les fans de NASCAR est autour de 47 ans, mm-hmm. du côté du rallycross, c'est 27 ans. Donc c'est comme une cure de jouvence de 20 ans. On sait que ce sont des courses plus courtes qui s'adressent mieux, je dirais, aux gens qui ont un peu moins d'attention ou qui préfèrent justement avoir leur action séparée en petites bouchées de 4 ou 5 minutes et avec des pauses. C'est un peu, moi j'aime ça comparer ça, puis tu vas me dire c'est un sport traditionnel, mais j'aime ça comparer ça au football où le jeu est très très intense pendant le jeu, mais on a plusieurs séquences de jeu qui sont entrecoupées de pauses, donc c'est vraiment comme ça du côté du rallycross. Oui, les courses durent juste entre 3 et 5 minutes, mais on va avoir une trentaine de départs dans la journée. Ça nous permet de faire autre chose, ça nous permet de nous déplacer, ça nous permet d'aller jaser avec les pilotes, avec les mécanos, donc c'est une autre expérience, c'est une expérience que les gens apprennent à connaître et surtout apprennent à apprécier. Là. On a quand même eu aussi des surprises du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, parce que par exemple, Timur Zianov n'a pas nécessairement pris la finale. Bakuru a terminé sur le podium. Donc, de ce côté-là, je pense que c'était un excellent spectacle pour les gens qui étaient là puis pour les gens qui l'ont regardé aussi à la télévision. Bien, surtout, parlais de Timurzianov, il a été exclu de la finale pour contact qui aurait pu être évité. Et ça a permis à Timmy Hansen de s'installer en finale. Et Hansen est venu gagner l'épreuve. Ça a été la première victoire de l'équipe Peugeot-Hansen qui, jusque-là, était correcte, mais n'était pas dans le rythme. C'est eux qui ont gagné, après tout, le championnat par équipe l'an dernier. Avec cette victoire-là de Hansen, du côté de l'OEAC, ça a été un peu difficile, mais on a vu à partir de Barcelone qu'on a vraiment trouvé le rythme. On nous a dit, là, Kenneth Hansen m'a dit carrément, on a trouvé quelque chose sur la voiture, on est allé faire des tests au lendemain de l'OEAC en France, et puis on a trouvé quelque chose sur la voiture, sur le châssis, puis maintenant, le championnat se réanime avec Hansen et avec Sébastien Loeb, qui, on va se le dire, a appris à piloter en rallycross. Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde de rallye, mais en rallye par étapes, on court contre personne, on court seulement contre le chrono, alors que Loeb, ça y a pris un peu de temps, mais là, il a vraiment compris comment ça se passait. Il n'a plus peur de jouer du coude, de se frotter les ailes, et puis il est très beau à voir aller. Puis tu parlais de Timurzianov à Barcelone, podium pour Timurzianov, lui qui a gagné les 2 dernières éditions du championnat européen de rallycross avant que ça devienne un championnat du monde, en 2012-2013. Avec l'équipe Hansen, justement. Et ça faisait, au-delà d'un an, ça faisait depuis cette époque-là, depuis que le rallycross est un championnat du monde, qui n'a pas remporté de manche. Mais là, il a réussi le podium quand Johan Christoffersen a été exclu de la finale. Mais au-delà de ça, la petite équipe Team World RX Austria, qui est une équipe privée, a réussi à placer ses 2 voitures dans la finale. Donc, sur 6. Donc, tu te bats contre des équipes d'usine comme Peugeot Hansen, contre Team VW Sweden de Christoffersen ou encore le Hoonigan Racing de Ken Block et Andreas Bakkerud. Et ces équipes-là réussissent à placer seulement 1 voiture en finale, mais le team RX Austria en place 2. Donc, c'est un exploit et ça démontre que la compétition est meilleure qu'elle a jamais été du côté du rallycross. Ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer du côté de Riga en Lettonie, parce qu'on sait qu'il y a 2 pilotes lettons qui font bien, Rainis Nitisch et Yanis Barmanis, qui était le 2e pilote là, du team Austria RX en finale à Barcelone. Barmanis, sa première finale de l'année, 2 semaines avant l'arrivée du sport chez lui, là, il va avoir tout un intérêt du côté du pays balte. Dominique, on le sait, ça gagne en popularité ici du côté de l'Amérique du Nord depuis simplement quelques années. Mais du côté de l'Europe, où est-ce que tu placerais ça? Est-ce que tu placerais ça en termes de popularité comme la NASCAR ici ou, par exemple, la monoplace ici? Ben, la NASCAR ici, je dirais, ce qui se compare à la NASCAR ici, c'est la popularité de la Formule 1 en Europe. Je ne comprends pas d'histoire, là. C'est la grosse classe, en guillemets. Ici, c'est la NASCAR. Du côté de l'Europe, c'est la Formule 1. Je dirais que, dépendant des pays, dépendant où on regarde, le rallycross est parfois la discipline la plus populaire du pays. Okay. Ou parfois, c'est une discipline qui l'est un peu moins. Mais si on pense aux pays scandinaves et aux pays baltes, donc la Suède, la Finlande, la Norvège, ou encore la Lettonie dans ce cas-ci, c'est pas loin d'être le sport mécanique le plus populaire. Là. Parce que les pilotes de là font bien, les pilotes de là animent le championnat. Donc, ça y fait pour beaucoup. En France, l'arrivée de Sébastien Loeb a eu un très gros impact. Et maintenant, le rallycross est suivi par les grands médias, par exemple le quotidien L'Équipe, l'hebdomadaire Auto Hebdo. Ça passe à la télé sur l'équipe 21. Donc, le rallycross gagne en popularité lentement, mais sûrement du côté de la France. Puis, Sébastien Loeb est une vedette vraiment remarquable de ce côté-là. Donc, les gens sont habitués. C'est une vedette phénoménale. La popularité de Ken Block aide beaucoup. Tu sais, tout de suite après qu'il a terminé le Grand Prix de Trois-Rivières, il est descendu du côté de Buffalo et c'est là qu'il a filmé Jim Cananoff, donc qui est en onde en ligne, je veux dire, sur YouTube depuis 2 semaines maintenant. Mais Jim Cananoff, ça a été tourné. Et ce qu'on s'est dit du côté de Ken Block, qui passe la majorité de l'été en Europe pour faire le championnat du monde de rallycross. Oui. On est en Amérique du Nord, on voulait faire quelque chose dans le coin de Buffalo, on voulait faire quelque chose à saveur industrielle, en servant des trains et des usines désaffectées là-bas. Donc on est descendu tout de suite après le Grand Prix, on est descendu à Buffalo, on a filmé ça, puis ça a été un succès phénoménal, comme ces 8 précédents opus. Donc il y a un petit peu de Trois-Rivières là-dedans, mais on est bien fiers. On parlait justement de gagner en popularité, je ne sais pas si tu es au courant, Dominique, mais j'imagine, on vient d'annoncer d'ailleurs que la dernière manche du championnat du monde de rallycross en 2017 va se passer du côté de l'Afrique du Sud. Donc, on ouvre un autre continent, là. au Cap Africain, on ouvre un autre continent. Ça va être très intéressant, surtout que c'est le retour des sports mécaniques majeurs là, en Afrique du Sud. Pendant longtemps, l'Afrique du Sud a eu un Grand Prix de Formule 1. Ça s'est estompé depuis quelques années, puis là, le rallycross revient en grand sur un circuit historique, un circuit sur lequel Jacques Villeneuve a roulé à l'époque en essai libre avec Williams. Mm-hmm. Donc, évidemment, qui a été réadapté pour le rallycross, mais d'avoir l'Afrique du Sud qui s'ajoute là, ça va être très, très bien. Je sais que du côté de Barcelone, on devrait prolonger le contrat. Fait qu'on va être sur ce circuit de Formule 1 là. Nous autres à Trois-Rivières, on travaille très très fort pour s'assurer que au cours des prochaines années, le championnat continue de venir chez nous. Et puis c'est un championnat. On sent une effervescence tant au niveau de la FIA, au niveau des médias et au niveau là, des fans de course automobile. On est très heureux. Puis on travaille de notre côté sur des initiatives locales, des initiatives québécoises qui vont permettre au sport du rallycross en général de prendre de l'expansion avec les pilotes qu'on connaît et les pilotes qu'on aime. Oh, vraiment intéressant. On va suivre ça de très très près. Dominique, merci de m'avoir contacté pour jaser de rallycross. Ça a été Soyez à l'écoute de RDS à 10h, tout de suite après le Grand Prix de Formule 1 ce dimanche pour la 10e manche du championnat de rallycross FIA présenté par Monster Energy. J'y serai avec Patrick Carpentier à la description et à l'analyse. Puis on vous invite à jeter un coup d'œil. Puis je pense que vous allez trouver quelque chose que vous aimez. Puis 10 points d'avance sur Ekström. Solberg est deuxième, a connu des difficultés du côté de Barcelone. Mais on travaille très, très fort du côté de l'équipe de Peter Solberg pour pouvoir reprendre ces points-là. Puis on sait que le Solberg, lorsqu'il est dans ses derniers retranchements, c'est là qu'il est à son meilleur. Donc, il n'y a rien de joué du côté du championnat. Et ça va être intéressant, le nouvel éveil des Peugeot Hansen, Johan Christophersen qui a gagné en France et qui a très bien fait avant d'être exclu de la finale à Barcelone. Il y a vraiment là, un paquet d'histoires qui se développent. On a des bons, on a des méchants, on a beaucoup d'excitation, beaucoup de fébrilité. Puis ratez pas ça, ça va être à l'antenne du Réseau des Sports là, à 10h dimanche prochain. Oh, on va regarder ça de très très près. Merci beaucoup Dominique. C'est un plaisir Tania. Bye bye. Et comme il le dit, ça gagne en popularité, en effervescence. Alors, il faut pas manquer ça parce que j'ai comme l'impression aussi que ça pourrait devenir un sport très, très, très populaire en Amérique du Nord. Il le disait, Dominique, c'est un sport qui est populaire chez les jeunes. Et au Grand Prix de Trois-Rivières, je me souviens de la folie qu'il y avait, que ce soit autour de Ken Block, que ce soit autour des autres pilotes qui étaient présents. Il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui étaient là. Pour le sport aussi, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient de plus en plus la discipline parce que c'est quelque chose qu'on a commencé à faire jouer justement sur RDS avec Dominique Fugère en onde. Donc, de ce côté-là, on en apprend tout le temps plus et c'est ça qui est le fun. Tout à l'heure, je voulais vous jaser de ce qui allait avoir lieu cette fin de semaine aussi, parce que sachez-le, le monde du karting est peut-être pas nécessairement terminé ici au Québec, encore moins loin de chez nous, c'est-à-dire du côté de PSL Karting, en fin de semaine, il va y avoir une manche de l'APKLQ où il va y avoir des pilotes invités. Donc, entre autres, Marc-Antoine Camiran, Kevin King devrait y être et peut-être, j'ai entendu parler entre les bras que peut-être un des frères Dumoulin serait là aussi. Donc, on va pouvoir voir ces pilotes-là retourner aux sources dans des bolides de karting, de compétition. Alors, ça devrait être très, très intéressant. Et nous, c'est déjà la fin de l'émission. On va se quitter avec Tyler Farr et la pièce Our Town. On va se retrouver la semaine prochaine, bien évidemment, à 14h mercredi. Manquez pas ça jusqu'à 15h. Et restez aussi en onde avec nous parce que tout de suite après la chanson, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Bonne semaine tout le monde! We played cops and robbers in the streets around our house. It was fun and games back then, but it ain't funny now here in our town. Just a bunch of kids skipping church and acting so cool. But now we're lighting candles on a Friday afternoon here in our town. Raised in the shadows of crosses and flags, when we that football jersey blue. So I don't know.